إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc notre étude de cette épître, les annulatifs de l'islam, du Cheikh l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On a vu dans le cours dernier le premier annulatif de l'islam qui est le shirk, l'association dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de passer au deuxième annulatif, j'aimerais tout d'abord revenir sur deux points concernant le dernier cours. Le premier point, c'est que lorsque j'ai mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nisa, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. J'ai fait un lapsus concernant le numéro du verset. J'ai dit que c'était le numéro 28, mais en réalité, ce qui est juste, c'est 48, comme nous l'a signalé un de nos frères auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir concerne un des exemples d'associations mineures que l'on a mentionné et qui est Ria, l'ostentation. Comme on l'a vu, l'ostentation, elle a été appelée shirk asrar, association mineure, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, lorsqu'il a dit à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, la chose que je crains le plus pour vous est l'association mineure. Ils l'ont alors interrogé à ce sujet et il a répondu, c'est l'ostentation. Cependant, il est important de savoir que l'ostentation, elle se divise en deux catégories. La première catégorie relève de l'association majeure. Et cette ostentation, elle consiste à ce que l'homme, il vise par l'ensemble de ses œuvres le fait de se faire voir des gens. C'est-à-dire qu'il ne vise en aucun cas le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans aucune de ses œuvres, la seule chose qu'il vise, c'est le fait de vivre en paix parmi les musulmans et de préserver ainsi sa personne et ses biens. Et cette ostentation, c'est l'ostentation des munafiqin, l'ostentation des hypocrites. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit dans son livre, au sujet desquels il nous a dit qu'ils sont au plus bas fond du feu de l'enfer. Ce type d'ostentation, donc, il relève de l'association majeure. Le deuxième type d'ostentation, c'est celui qui est commis par le croyant et qui a lieu dans certaines de ses œuvres. C'est-à-dire qu'il vise par son œuvre la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais se joint à son intention la recherche d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les éloges et les compliments des gens. Et ceci relève de l'association mineure. Et il y a différents types de cas concernant cette ostentation. Il se peut qu'elle provienne au début de l'œuvre, c'est-à-dire que la personne prie par exemple, et dès les débuts de sa prière, elle va par exemple enjoliver sa voix, prolonger sa prière, dans le but de rechercher les éloges et les compliments des gens. Alors celui-ci, son œuvre est vaine, elle est rejetée. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas. Un autre cas de figure, c'est que l'ostentation, elle survient au cours de l'œuvre et qu'il persiste sur celle-ci. C'est-à-dire qu'il prie par exemple une unité de prière sans être touché par l'ostentation. Puis une personne rentre, il sait que quelqu'un le regarde, alors il embellit sa voix et il commence à prolonger ses inclinaisons et ses prosternations et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il ne repousse pas cela, alors son œuvre sera rejetée et elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Car il lui aura donné des associés en celle-ci, d'une association mineure. En revanche, s'il repousse cela, le rejette, et qu'il voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans son œuvre, alors ceci ne lui nuit en aucun cas, et son œuvre est acceptée, car il aura rejeté l'ostentation. J'ai voulu revenir sur ce point, car certaines personnes, s'interroger à ce sujet afin de savoir quand est-ce que cela relève de l'association majeure. Donc, comme vous l'avez entendu, cela relève de l'association majeure lorsque la personne ne recherche en aucun cas le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses œuvres, dans aucune de ses œuvres, mais qu'elle ne recherche qu'à se faire voir des gens, comme est la situation des hypocrites, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Passons donc maintenant au deuxième annulatif. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit « Al-thani, man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wa sa'it, yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu 'alayhim kafara ijma'a. » Le deuxième, c'est-à-dire le deuxième des annulatifs de l'islam, c'est que quiconque place entre lui et Allah des intermédiaires en les invoquant, en leur demandant l'intercession et en plaçant sa confiance en eux, il a mécru à l'unanimité. Ceci est le deuxième des annulatifs de l'islam mentionné ici par le Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Et comme pour le précédent, nous allons étudier cet annulatif à travers différentes questions. La première question est: quelle est la différence entre le premier annulatif et le second? On a vu que le premier annulatif consiste à donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelle est la différence entre le fait de donner des associés à Allah et le fait de prendre un intermédiaire entre soi et Allah? La réponse est que le second est une des formes du premier. Le premier est général, il englobe toute forme d'association, tandis que le second, il est particulier. Et l'auteur, rahimahullah, il a insisté sur celui-ci, car il est fréquent chez les gens, et ce jusqu'à nos jours. Nombreux parmi ceux qui s'affilient à l'islam, ils pensent que ceci fait même partie de l'islam. Par conséquent, le Cheikh, rahimahullah, il a voulu insister sur celui-ci. Il l'a individualisé, malgré que cela soit une forme du premier annulatif, et ce afin d'attirer l'attention sur la gravité de cela et sur l'importance de s'en préserver. La deuxième question est: qu'est-ce qu'un intermédiaire? Qu'est-ce qui est visé par le fait de prendre un intermédiaire entre soi et Allah? Un intermédiaire, c'est ce qui permet d'atteindre une chose. C'est quelque chose qui sert de lien. Ceci est son sens linguistique. Et ce qui est visé ici par l'auteur, rahimahullah, ce sont ces personnes ou ces choses qui sont prises comme intermédiaires entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création. C'est-à-dire que les gens, ils adressent des demandes. Ils font part de leurs besoins à ces intermédiaires. Et ils prétendent que ces intermédiaires, ils font parvenir cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala ne leur donnait leur subsistance et ne répondait à leurs demandes que par leur intermédiaire. Ils ont en cela assimilé Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures et le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière que les rois ici-bas, ou les grands dirigeants, ils ne répondent aux demandes de leur peuple, et ils n'en ont connaissance que par quoi? Que par des intermédiaires. Et le roi, ou le dirigeant, il est plus à même de répondre aux demandes qui lui sont adressées via ses intermédiaires. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est bien au-dessus de cela. Il est bien au-dessus de ses créatures subhanahu wa ta'ala. Et penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de ses intermédiaires pour avoir connaissance des besoins de ses créatures, ceci est une forme de mécréance. Et c'est exactement le shirk qu'accomplissaient les premiers polythéistes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet, dans le verset 18 de sourate Yunus, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَاُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et ils disent: ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié la fausseté de cela, et il a jugé l'auteur de cela comme étant un polythéiste mécréant. En effet, qu'est-ce qu'il a dit dans la suite du verset? قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dis, informez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre. Gloire et pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ceux qui lui associent. Au-dessus de ceux qui lui associent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé cet acte comme étant du shirk. Le fait de prendre des intercesseurs entre soi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans un autre verset, dans Surat Az-Zumar, au verset 3, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et mécréant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les a jugés comme étant menteurs et mécréants dans ce verset. Et ces deux versets, ce sont donc des preuves que le fait de prendre des intermédiaires entre soi et Allah subhanahu wa ta'ala est un annulatif de l'islam qui fait passer la personne de l'islam à la mécréance et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. La troisième question est-il permis de renier les intermédiaires de façon absolue? La réponse est non. Pourquoi? Car les intermédiaires, ils se divisent en deux catégories. La première catégorie, ce sont les intermédiaires légitimes. Et ce sont les messagers d'Allah, alayhimus salatu wassalam. Ils sont des intermédiaires entre le Créateur et les créatures. En effet, les créatures, elles ne peuvent connaître ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, et ce qu'il a interdit subhanahu wa ta'ala, et ils ne peuvent connaître ses noms et ses attributs parfaits, ce qu'il a promis à ses alliés comme bienfait, et ce qu'il a préparé pour ses ennemis, comme avilissement et châtiment, si ce n'est par les biais des messagers, alayhimus salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 165 de Surat An-Nisa, Rusulan mubashirin wa mundirin, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ. Des messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens aucun argument devant Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ses messagers, alayhimu salatu wassalam, en tant qu'intermédiaires entre lui et ses créatures. C'est-à-dire qu'ils sont venus transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs. Qu'est-ce qu'Allah aime et agrée? Qu'est-ce qu'Allah ordonne? Qu'est-ce qu'Allah interdit? Quels sont les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle sera la récompense de celui qui suit le message d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et quel sera le châtiment de celui qui se détourne? Ceux-ci sont donc des intermédiaires légitimes et leur rôle et de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs. Le deuxième type d'intermédiaires, ce sont ceux que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné et dont nous avons parlé précédemment. Ceux-là, ils ne sont pas légitimes. Au contraire, il est obligatoire pour le musulman de les renier. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe d'intermédiaires, il se passe d'associés. Il n'a pas besoin d'intermédiaires qui viennent lui transmettre ou l'informer des besoins de ses serviteurs. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui répond aux invocations de ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans son noble livre? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de l'invoquer. Qu'est-ce qu'il a dit? وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Il n'a pas dit, invoquez-moi par l'intermédiaire d'un tel ou d'un tel. Transmettez vos demandes à un tel qui me les transmettra. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Udu'uni, invoquez-moi, astajib lakum, je vous répondrai. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de ce type d'intermédiaire. En plus d'être du shirk, comme on l'a dit, c'est une mauvaise pensée et une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et une manière de l'assimiler à ses créatures. Donc en résumé, il y a deux formes d'intermédiaires. La première forme, qu'il est obligatoire d'affirmer, est la reniée de la mécréance, et ce sont les messagers, alayhimu salatu wassalam, qui sont venus transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième type d'intermédiaire, c'est ceux qu'il est obligatoire de renier et les affirmer et de la mécréance. Comme on l'a vu à travers le verset de Surat Yunus et le verset de Surat Zumar. La question que l'on pourrait se poser, après avoir écouté ces versets, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne clairement de l'invoquer et que si on l'invoque, il nous a promis de nous répondre. Et pourquoi ces gens-là prennent-ils des intermédiaires? Les deux raisons principales, ce sont celles qui sont mentionnées dans le verset de Surat Yunus et le verset de Surat Zumar. La première, c'est qu'ils les prennent pour intercesseurs. Ils leur demandent l'intercession. Et ils pensent qu'ils seront plus à même d'être exaucés en adressant leurs demandes à ces intermédiaires plutôt qu'en les adressant directement à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième raison, c'est qu'ils pensent se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala en prenant ces intermédiaires. Et on a déjà vu en détail la fausseté de ces deux points lors de notre étude d'Al-Qawa'id al-Arba' dans la deuxième règle, dans laquelle on a mentionné les détails au sujet de l'intercession et au sujet de leurs prétentions que cela les rapproche davantage d'Allah. Et comme on l'a vu, en réalité, ceci ne fait que les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui prend des intermédiaires entre lui et Allah et qui voue des adorations à ses intermédiaires, il leur adresse ses demandes, il espère leur bien, il craint leur mal, il accomplit pour eux des sacrifices et autres adorations. Ceci est de l'association majeure faisant sortir son auteur de l'islam. S'il meurt ainsi, le paradis lui est interdit et l'enfer sera sa demeure éternelle. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ceci concerne donc celui qui prend des intermédiaires entre lui et Allah en lui vouant des adorations. Quant à celui qui prend des intermédiaires en ayant la conviction qu'ils ne sont qu'une cause, c'est-à-dire qu'il ne les invoque pas, il ne sacrifie pas pour eux et il ne leur voue aucune forme d'adoration, car il sait que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, il prend des intermédiaires en pensant que cela le rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il invoque Allah par le rang de ses intermédiaires, comme en disant « Oh Allah, je te demande par le rang d'un tel de me guérir. » Ici, il invoque qui? Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui n'est pas légiférée. Et ceci est une innovation qui relève de l'association mineure. Et ceci est un moyen menant à l'association majeure. C'est pour cela que c'est interdit et qu'il faut s'en préserver. En effet, ceci n'est pas une cause d'exaucement de l'invocation. Car comme on l'a vu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de l'invoquer directement. Cependant, il est important de bien distinguer entre ceci, qui n'est pas un annulatif de l'islam, bien que ce soit un grave et immense péché, et entre la prise d'intermédiaire visée par l'auteur, rahimahullah, qui a bien précisé lorsqu'il a dit « Quiconque place entre lui et Allah des intermédiaires en les invoquant, leur demandant l'intercession et en plaçant sa confiance en eux, a mécru à l'unanimité. » Celui-là, il sort de l'islam et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Enfin, pour terminer, il est important de préciser certaines manières par lesquelles il est légiféré d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que de l'invoquer par le rang d'un tel ou un tel parmi ses créatures. La première façon légiférée d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala est de l'invoquer par ses noms et ses attributs. En effet, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاهُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-les donc par ces noms. Comme lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en disant, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, fais-moi miséricorde. Ya Ghaffar, Ya Ghafour, Irfirli. Ô toi qui pardonnes les péchés, pardonne-moi. Ceci est une manière d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui est légiféré. Également, il est permis que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala par les œuvres pieuses que tu as accomplies. Comme cela est rapporté dans le hadith des trois personnes qui étaient bloquées dans la grotte. Par exemple, tu mentionnes une des actions que tu as vouées à Allah subhanahu wa ta'ala et dont tu espères la récompense auprès de lui et donc que tu penses avoir voué sincèrement à lui et tu lui dis, oh Allah, si j'ai fait cela exclusivement pour toi recherchant ton noble visage, alors sauve-moi de la situation dans laquelle je suis, guéris-moi de ma maladie ou autre demande que tu adresses Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont des formes de tawassul qui sont légiférant en islam et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra un cours plus détaillé à ce sujet. Ceci était donc quelques questions liées à cet annulatif qui consiste à prendre des intermédiaires entre soi et Allah subhanahu wa ta'ala en leur vouant des adorations et ceci est de la mécréance à l'unanimité des gens de science. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.